Quatrième histoire, un quiproquo. Un jeune homme d'une figure intéressante suivait, par une belle matinée du printemps dernier, la route communale de L, à quelques lieues de Paris. Il était à une centaine de pas du village, lorsqu'il s'arrêta et s'assit sur la rive verdoyante d'un ruisseau qu'ombrageait une double rangée de peupliers. Le site était charmant, la chaleur commençait à se faire sentir, et le silence invitait à la rêverie. Notre voyageur s'y laissa doucement aller. Au bout d'une demi-heure, poursuivait-il le cours de ses rêves, ou s'acquittait-il d'un devoir? Il se leva, parcourut en divers sens la pelouse qui l'environnait, traça diverses lignes avec sa canne, s'arrêta un moment comme découragé, puis se rapprocha lentement du ruisseau dont ses regards, tout à coup devenus sombres, semblaient mesurer la largeur et sonder la profondeur. Au même instant, un grand monsieur, long de jambes, de bras et de visage, coiffé d'une casquette à visière verte et qui avait suivi d'un œil attentif à travers les peupliers tous les mouvements du jeune homme, alla droit à lui et lui dit « Impossible, monsieur, impossible de détourner le cours de cette rivière. Le conseil municipal a admis unanimement l'opportunité de la construction d'un pont. Monsieur ?» Michel Pantaléon Grandchamp, propriétaire, membre du conseil municipal et trésorier de la fabrique. Puis-je de mon côté savoir à qui j'ai l'honneur de m'adresser? Georges Sainton, peintre de paysages. Et quelque chose encore, j'imagine? Rien de plus. Grandchamp sourit avec un air d'intelligence. Je saisis et je respecte le motif de votre incognito. Vous échappez ainsi aux sollicitations de celui-ci, aux réclamations de celui-là. Moi-même, je ne vous aurais pas importuné, sans le hasard qui m'a fait vous surprendre dans l'exercice de vos fonctions. Ah, mon cher monsieur, vous ne sauriez auquel entendre. Chacun de nous a des intérêts divergents dans cette diabolique affaire. Nous sommes depuis un mois en pleine révolution dans le pays. Georges fit un geste d'impatience. Je me tais. Je serais d'autant plus désolé de vous contrarier que je vous trouve dans des dispositions tout à fait conformes à mes vues. Poursuivez votre étude, monsieur. Poursuivez-la dans le même sens sur ce terrain qui est à moi. Et si jamais vous avez besoin de mes services, comptez sur ma reconnaissance. Appuyant alors un doigt sur ses lèvres en signe de discrétion, le grand monsieur s'éloigna pendant que Georges, immobile, le suivait des yeux et se demandait à quoi il devait croire, d'un quiproquo ou d'une mauvaise plaisanterie. Il n'était pas encore parvenu à se faire une opinion à cet égard lorsqu'il se sentit frapper doucement sur l'épaule. « Pardon, monsieur, je désirerais avoir avec vous un moment d'entretien. » Celui qui parlait ainsi était, au contraire de Grandchamp, un tout petit homme, très gros et très joufflu. « Vous vous trompez sans doute, monsieur, » dit Georges. « Je ne suis point de ce pays, et je n'ai point l'honneur de vous connaître. Vincent Polycarpe Courtinet, pour vous être agréable. Vous le sauriez sans partialité, vous dispensez de m'entendre. Je vous écouterai tant que cela vous fera plaisir, mais veuillez d'abord me dire pour qui vous me prenez. » « Je vous prends pour un galant homme, incapable de venir ici, de guetter de cœur, nuire aux intérêts d'un pauvre diable de propriétaire, qui ne lui a jamais, que je sache, occasionné le plus léger préjudice. Monsieur, s'il y a de votre part projet de quelque mystification, je vous préviens que je ne suis pas d'humeur à la supporter. S'il y a méprise, il me suffira, je pense, de décliner mon nom, Georges Sainton, peintre de paysages. » À d'autres, mon cher monsieur, à d'autres. Que vous vous nommiez Georges Sainton, je suis loin de le nier, et même pour peu que vous y teniez, je veux bien croire que vous êtes peintre de paysage. Mais ce n'est assurément pas en cette qualité que vous causiez tout à l'heure avec M. Grandchamp, un intrigant que vous n'avez, j'en suis sûr, trouvé dépourvu ni d'excellentes raisons à vous donner, ni de magnifiques promesses à vous faire. Toute dénégation serait superflue, je connais l'homme. Or, vous avez écouté Grandchamp, vous m'écouterez à mon tour. Et comme j'en aurai probablement très long à vous dire, je vous offre une cordiale hospitalité. Venez, monsieur, venez. L'air du matin doit avoir vous ouvert l'appétit. Nous allons sans façon attaquer ensemble un pâté de venaison et déguster un petit vin de Bordeaux dont j'aime à croire que vous ne me ferez point de reproche. L'invitation était rondement faite et n'avait rien de désagréable. Georges, après quelques résistances, se laissa conduire jusqu'à une maison blanche derrière laquelle se dessinait un petit parc de l'aspect le plus séduisant. « Jenny, Jenny !» cria Courtinet en entrant. « Veille à ce que Marion s'occupe du déjeuner et fais mettre trois couverts, mon enfant. »« Oui, mon oncle, » répondit une charmante petite voix venant du premier étage. Au nom de Jenny, Georges avait fait un mouvement de surprise. Le son de la voix le fit tressaillir. Mais Courtinet, sans lui laisser le temps de se reconnaître, le prit sous le bras et l'entraîna dans le jardin. « Que pensez-vous de ce bouquet de cities et de mélèzes, aux trois quarts enfermés par cette haie de trouennes ?»« Très propre à figurer sur un premier plan, » répondit Georges avec distraction. « Sur tous les plans possibles, monsieur. Je le créais il y a 20 ans. C'est ma promenade favorite. Pendant l'été, j'y fais la lecture le matin, la sieste l'après-midi. Eh bien, rasé, monsieur, complètement rasé. Ah ! Vous voyez cette pièce d'eau, creusée par moi, monsieur, alimentée par une source que je découvris moi-même, une eau excellente à boire et qui cuit parfaitement les légumes. Eh bien, comblée, disparue. Avant 3 mois, pas plus d'eau que dans le creux de ma main. En vérité ? De ce tapis de raie grasse, coupé en deux, mutilé, 10 mètres de sable et 20 mètres de talus au milieu, il me restera 2 petits carrés de verdure, éloignés l'un de l'autre de plus de 50 pas, que je serai toutefois autorisé à relier ensemble au moyen d'un pont suspendu. Amère dérision. Je suis un homme abîmé, pillé, dévasté. Mais après un pareil acte de vandalisme, qu'on ne croit pas me retenir un jour, une heure dans ma maison. Je fuirai le pays. J'irai chercher un refuge. Dans quel endroit? Je l'ignore. De quelque côté que l'on se tourne aujourd'hui, l'on ne voit que fouilles et décombres. On se croirait au lendemain d'un tremblement de terre. Courtinet prit tout à coup sa voix la plus caressante et enveloppa Georges de toutes les séductions de son sourire. Il vous sera si facile, monsieur, d'empêcher un honnête homme de se porter à cette extrémité. Tout ne dépend-il pas de la tournure que vous donnerez à votre rapport? Mon rapport, mais... Nos deux interlocuteurs se trouvèrent en ce moment auprès d'une jeune personne occupée à cueillir des fraises, et qui, au bruit de leur voix, se releva tout à coup. C'était Jenny. À sa vue, Georges poussa un cri de surprise et de joie. Jenny, de son côté, resta immobile de saisissement, et ses joues se couvrirent d'un vermillon non moins vif que celui des fraises dont elle venait de remplir sa corbeille. Mais pour remarquer la rougeur de sa nièce et le cri de Georges, M. Courtinet était trop préoccupé de ses propres pensées. « Monsieur, reprit-il, j'ai fait lever un plan que je vais sur le champ vous soumettre. Je ne veux pas que vous vous prononciez ni pour ni contre moi, avant de l'avoir sérieusement examiné. Je cours le chercher. Ce sera l'affaire de quelques minutes. Ma nièce, ayez la complaisance de tenir en attendant compagnie à notre hôte. » Et Courtinet, se dirigeant vers la maison, se mit à courir de toute la vitesse de ses petites jambes. Une même exclamation sortit de la bouche des deux jeunes gens. « Vous ici, monsieur Georges ? Vous ici, mademoiselle Jenny ? Madame Desvergers m'a trahi, je le vois. Elle n'a que trop bien suivi vos instructions. » Cette dame des vergers était une amie de la famille de Jenny, chez laquelle cette dernière avait passé à Paris quelques mois de l'hiver précédent. « Le hasard seul, reprit Georges, m'a conduit dans ce village, ou plutôt c'est ma bonne étoile qui m'a guidé pour me fournir l'occasion de me justifier. Est-ce que c'est possible ? Un mot suffira. Je ne l'écouterai point. La simple lecture de cette lettre, je ne la lirai point. Comment ? Venir assidûment tout un hiver chez Madame Desvergers, s'attacher à me plaire ? Obtenir l'aveu d'un sentiment que j'ai la faiblesse de ne point dissimuler, et tout à coup disparaître, quitter Paris sans en informer qui que ce soit, sans donner ni explication d'une telle conduite, ni espoir d'aucun retour. C'est indigne, c'est horrible, c'est inexcusable. Mais dites-le donc, monsieur, ce mot qui doit vous justifier. Mais voyons-là donc cette lettre dont la simple lecture devra me convaincre. Jenny, je ne vous ai point caché que j'étais orphelin et sans fortune. Une amie de ma famille, une véritable mère, prit soin de mon enfance et se chargea de mon éducation. À la suite de la dernière soirée que j'eus le bonheur de passer auprès de vous, chez Madame Desvergers, je trouvai en rentrant chez moi la lettre que voici. Pour s'emparer de cette lettre, Jenny attendit à peine qu'elle lui fût présentée. Ma mère adoptive, poursuivit Georges, était à toute extrémité. Elle demandait à me voir avant de mourir. Je partis aussitôt, et cependant je n'arrivais que pour recevoir sa bénédiction. Le même jour, je tombai atteint d'une fièvre violente, et ce fut seulement après avoir flotté 2 mois entre la vie et la mort que je parvins à retrouver mes forces et à me remettre en route pour Paris. Jenny tendit la main à Georges. Elle avait été si heureuse d'écouter et de lire. En ce moment, Courtinet arrivait tout essoufflé dans son salon, en même temps que Grandchamp y était introduit par la domestique. « Eh, bonjour, Courtinet. Comment va cette chère santé ?» dit Grandchamp du ton d'un homme qui fait une visite sans but, sans importance, uniquement pour entretenir des rapports de bon voisinage. « Charmé de vous voir, mon cher Grandchamp, » répondit Courtinet en déguisant sa contrariété sous un sourire qui eût fait honneur au plus habile diplomate. « Ne trouvez-vous pas qu'il fait un bien beau temps, aujourd'hui ? Admirable, Bonne année qui se prépare et excellente. Nous en avions besoin. Grand besoin. Au diable l'important, ajouta mentalement Courtinet. Après tout, la commune n'a pas à se plaindre, et nos pauvres auront cet été toute facilité de faire des économies pour l'hiver. Il y aura de l'occupation pour tous les bras. Sans doute. À moins que les travaux de notre ligne de chemin de fer ne soient encore reculés, ou renvoyés aux calendes grecques. Auriez-vous quelques données à cet égard? Mon Dieu, non. Est-ce qu'il vous serait parvenu quelques renseignements? Pas le moindre. S'il savait, pensa Courtinet, quel personnage va, dans un instant, me faire l'honneur de déjeuner avec moi. Je suis tranquille, se dit à part lui Grandchamp. Il n'a pas vu notre homme. Bah, fit négligemment Courtinet, un peu plus tôt, un peu plus tard, que nous importe? À vrai dire, je ne m'en soucie guère. La question de lieu étant vidée, celle de temps m'inquiète fort peu. Ce qui signifie que, vos terrains vendus, vous vous moquez du reste. Par exemple. Mais je tiens à ce que notre voie ait son tracé le plus naturel. Quoi de plus naturel, en effet, que de bouleverser ma propriété et la mienne? Je vous conseille de vous plaindre. Quelques arpents de terre inculte dont vous allez tirer 40 000 francs et qui n'en valent pas le quart. Libre à vous de tirer de votre jardin le plus que vous pourrez. Je n'ai pas besoin d'argent et je veux garder mon jardin que j'ai dessiné et planté de mes propres mains. Malheureusement, le conseil municipal a décidé le contraire. Sauf approbation de l'autorité supérieure, et l'autorité supérieure ne ratifiera point, j'aime à le croire. Pourquoi donc? Parce que... Courtinet s'arrêta court. Il sentit qu'il allait avoir, comme on dit vulgairement, la langue trop longue. Parce que, reprit-il après un moment de silence, je vais rédiger immédiatement un mémoire qui portera la conviction dans les esprits les plus récalcitrants. Ce n'est point cela qu'il allait dire, pensa Grandchamp. Je crois que je ferais bien de me tenir aux aguets. Puis, d'une voix pateline. Eh mon Dieu, voisin, à quoi bon nous emporter? Qu'il en soit ce qu'il paiera, aussi aller aux ingénieurs. Je n'en serais pas plus ému que vous me voyez l'être présentement, ni moins disposé à vivre avec vous en ami et en bon voisin. Comme moi, je vous prie de le croire, fit Courtinet, d'un air à peu près aimable. Les deux propriétaires se serrèrent la main avec une cordialité capable de leur briser les doigts. Au revoir, mon cher Courtinet. Votre tout dévoué, mon cher Grandchamp. Délivré enfin de cette importune visite, Courtinet s'empressa de chercher le plan qu'il avait annoncé à Georges. Puis il se remit à courir dans la pensée que les deux jeunes gens devaient s'impatienter en l'attendant. Il avait bien de la bonté. Loin de songer à s'apercevoir de la longueur de son absence, il s'était assis sous un frais berceau de lilas. Et il se disait, pour la centième fois, des choses qui leur semblaient toujours nouvelles à entendre. Enfin, Jenny demanda à Georges. « Comment se fait-il que mon oncle vous ait lui-même amené ici ?»« Oh, par exemple, voilà ce que j'ignore, » répondit Georges. « Tout ce que je puis faire, c'est de vous raconter la manière dont les choses se sont passées. Et si vous avez quelques moyens de m'aider à trouver le mot de l'énigme, je vous avoue que j'en serais enchanté. Voyons, à nous deux, nous devinerons peut-être. Ce matin, j'arrive à l'entrée de ce village. » Je trouve un site charmant, deux ou trois bouquets d'arbres, une pelouse verdoyante, une petite rivière de la plus transparente limpidité, et devant moi le coteau le plus pittoresque. Je m'étends sur l'herbe et me mets à rêver. Je reconnais bien là mon peintre de paysage. Faut-il vous dire le sujet de mon rêve? Je me voyais habitant avec vous ce délicieux séjour. Dans la joie où me plongeait une illusion si douce, je me lève, je me mets à peindre, pour ainsi dire, possession de ce paradis terrestre. En y traçant le plan de notre habitation, ici le jardin, là le verger, de ce côté un petit bois, au bout de cette avenue, la maison avec ses persiennes vertes, sa terrasse et son belvédère, au bas du jardin la rivière. Mais tout à coup je suis rappelé au sentiment de la réalité par un monsieur qui me tient les discours les plus hétéroclites. Je le congédie. Survient alors monsieur Courtinet, qui me semble encore plus insensé, sauf le respect que je suis censé lui devoir puisqu'il est votre oncle. Le reste du récit de Georges, nous le connaissons. Ce que je vois de plus clair dans tout cela, dit Jenny, c'est que vous êtes l'objet de quelques quiproquos. Assurément, aussi dois-je me hâter d'y mettre fin. Pourquoi donc, s'il nous est favorable? Mais si plus tard, monsieur Courtinet... Alors vous aurez eu le temps de vous faire mieux connaître de mon oncle, de gagner ses bonnes grâces, et je me sentirai plus forte pour lui dire nos espérances. « Oh, ma bien-aimée Jenny !» s'écria Georges en lui baisant la main. Courtinet entrait sous le berceau, juste à point pour voir le baiser et entendre l'exclamation. Jenny jeta un cri et se cacha la figure dans ses mains. Georges se leva et balbutia quelques phrases fort décousues. « Ah ah !» fit Courtinet. Puis il se mit à réfléchir en laissant errer son regard alternativement de Jenny à Georges et de Georges à Jenny. Rompant enfin le silence. « Vous aimez ma nièce ?»« Oui, monsieur. » Ma nièce vous aime ? Oui, mon oncle. Ce n'est pas toi que j'interroge. Votre nom ? Georges Sainton. C'est juste, vous me l'avez déjà dit. Votre famille ? Je n'en ai plus. Votre fortune ? Mon travail. Courtinet recula 2-3 pas, puis se gratta l'oreille en regardant les nuages. « Allons déjeuner, » dit-il brusquement. Pendant qu'il traversait le jardin, une tête d'homme, celle de Grandchamp, s'éleva un instant au-dessus du mur, fit une laide grimace de dépit et disparut. Arrivé dans la salle à manger, Courtinet invita de la main son convive à s'asseoir devant une table copieusement servie et prit place entre Georges et sa nièce. Ce début silencieux n'était point de nature à faire présager un repas d'une gaieté bien vive. Courtinet, dont aucune tourmente n'avait jusqu'alors agité la calme existence, se donnait une peine infinie pour rallier ses pensées en désordre et se mettre en mesure de prendre une détermination quelconque. De cette préoccupation intérieure naissait une singulière incohérence dans tous ses actes extérieurs. Il servait à Georges, coup sur coup, 3 tranches de pâté qui demeuraient intactes sur l'assiette du jeune homme. Il coupait 5 fois de suite du pain à sa nièce, qui n'avait pas même encore entamé le premier morceau. Il se versait de plein verre d'eau à lui-même, qui n'en buvait jamais. Enfin, il laissait échapper des phrases qui n'avaient entre elles aucune liaison, indice du trouble de son esprit et de la divagation de ses idées. Tout à coup, un grand bruit de voix se fit entendre à la porte de la salle à manger, et l'on vit paraître Grandchamp, suivi d'une demi-douzaine d'individus, moitié paysans, moitié bourgeois, tous propriétaires dans la commune. « Vous le voyez, » s'écria Grandchamp, « le voilà installé sous son toit, mangeant à sa table. » « C'est évident, » dit une grosse face rubiconde, au nez bourgeonné, « c'est évident. Voilà les convives, voilà la table, et voilà le pâté. »« Messieurs, » demanda Courtinet, « puis-je savoir ce qui me procure l'honneur de votre visite ?»« C'est moi, » répondit Grandchamp, « qui vais avoir l'honneur de vous l'apprendre. Le hasard a fait venir à notre connaissance que vous aviez offert à monsieur, » il désigna Georges, « une hospitalité dont nous sommes loin de suspecter les motifs. » Mais qui vous offrait une occasion toute naturelle d'exposer et de débattre vos intérêts particuliers. Or, ces intérêts touchant de fort près aux nôtres, nous nous sommes empressés de nous présenter chez vous, dans la pensée que votre conférence à deux serait avantageusement remplacée par une discussion générale. Courtinet rougit jusqu'aux oreilles et se mordit les lèvres de colère. Cependant, obligé d'accepter le combat, il essaya de faire bonne contenance et entra le premier dans la lice en étalant un plan sur la table. Grandchamp tira aussitôt de sa poche un autre plan, qu'il déroula et dont il couvrit celui de Courtinet. 6 autres plans sortirent au même instant de leur étui. Chacun avait apporté le sien. Alors commença un pêle-mêle inexprimable de paroles et de gestes. Tous parlaient à la fois. Pas un n'écoutait. Georges seul, point central où toutes les allocutions aboutissaient en se confondant, se taisait. Il faisait des efforts inouïs d'intention pour saisir au passage quelques phrases qui le mit au courant de son propre rôle. Au plus fort de la mêlée, Grandchamp tira Georges à part et lui dit « 2 000 francs, monsieur, si mon plan obtient la préférence. » Cette ouverture apprenait du moins à Georges que les intérêts de Courtinet se trouvaient en opposition avec ceux de Grandchamp. D'une manière assez sérieuse pour que celui-ci crût devoir essayer de le suborner. Sa réponse, en une telle occurrence, était trop bien indiquée pour qu'il y apportât la plus petite hésitation. Aussi s'empressa-t-il de fulminer contre le mal avisé négociateur. « Pour qui me prenez-vous ? » accompagné de tous les signes d'une vertueuse indignation. Un instant de silence suivit ce magnifique mouvement. Puis Courtinet, d'une voix solennelle, « Messieurs, dit-il, je vous prends tous à témoin que, dans cette affaire, M. Grandchamp s'est livré à de secrètes manœuvres, qu'il y a eu de sa part séduction, captation, tentative de corruption. Mais Grandchamp n'était pas homme à se déconcerter pour si peu. Qu'appelez-vous tentative de corruption ? Il vous sied bien de vous donner ici des airs de puritanisme et de crier au scandale. » Avant d'accuser, songez à vous défendre, monsieur Courtinet, et veuillez nous expliquer d'une manière satisfaisante la présence de monsieur dans votre maison, ainsi que son admission à votre table. Courtinet comprit au murmure qui suivit ces paroles que sa cause périclitait, qu'il allait avoir tout le monde contre lui, et que Georges même lui manquerait s'il ne se hâtait de frapper un grand coup. Peu de mots me suffiront, dit-il d'un ton calme et digne, pour réduire à leur juste valeur les insinuations perfides de mon adversaire. Je déclare qu'en recevant aujourd'hui chez moi M. Georges Sainton, ici présent, je prétends traiter, non le fonctionnaire public, mais le parent. Le parent ? Georges et Jenny ne furent pas les derniers à redoubler d'attention. Courtinet poursuivit. « Oui, messieurs. Avant qu'il fût question de diriger aucun embranchement à travers notre commune, M. Georges aimait ma nièce Jenny, et s'était fait aimer d'elle. Ne voyant à cet amour aucune objection raisonnable, j'ai donné les mains de tout mon cœur. Le mariage aura lieu dans 15 jours. » Et je profite de la circonstance pour vous inviter tous à la noce. L'effet de cette déclaration fut merveilleux. L'étonnement et le dépit suffoquèrent Grandchamp, qui resta plusieurs minutes sans pouvoir articuler une parole. Les amis qui l'avaient amené, supposant que pour lui la lutte dans de pareilles conditions n'était plus possible, ne se firent aucun scrupule de passer immédiatement dans le camp de son adversaire, signalant leur défection par les félicitations les plus empressées et par une promesse formelle d'assister au festin. Quant aux deux amoureux, bien que la situation leur imposa quelques contraintes, nous n'avons pas besoin de dire quelle joie se décelait dans leurs sourires et rayonnait dans leurs regards. Le premier emploi que fit Grandchamp de sa langue, lorsqu'il en eut recouvré l'usage, fut pour se répandre en invectives contre tous. Et il sortit en criant « C'est indigne, c'est odieux, c'est immoral, je proteste !» Cette fureur excita grandement l'hilarité des nouveaux alliés de Courtinet, qui se retirèrent en faisant à celui-ci force protestations de concours et de dévouement. Ils étaient à peine partis que Jenny sautait au cou de Courtinet, dont Georges serrait en même temps les mains avec la plus vive expression de reconnaissance. « Monsieur, bon petit oncle !» c'est bien, ne me remerciez pas trop. La vérité est que je n'ai pu trouver un autre moyen de sortir d'embarras. Ah, ça, je compte à présent, monsieur mon neveu, que vous allez me rédiger un rapport dans lequel vous ne manquerez pas de présenter mes raisons sous le jour le plus favorable, et de réduire à néant les inqualifiables prétentions de ce monsieur Grandchamp. » Après avoir tant souhaité une explication, Georges maintenant s'en serait fort bien passé. Mais les choses ne pouvaient rester éternellement basées sur un équivoque. Il fallut s'exécuter. « Pardon, monsieur, de quel rapport parlez-vous ? » ?»« Comment ? De quel rapport ? » ?»« Eh, mais de celui que vous êtes chargé de dresser, je suppose, en votre qualité d'ingénieur du gouvernement, ayant mission de faire les études relatives à la ligne de chemin de fer qui doit traverser notre commune. Hélas, je ne suis point ingénieur, et je n'ai mission de faire ni études ni rapport. » Il serait impossible de peindre la stupéfaction de Courtinet. « Monsieur, reprit Georges, je suis incapable d'abuser d'une surprise. Quelque pénible que soit ce sacrifice à mon cœur, je vous rends la parole que vous m'avez donnée. » Un mouvement de tête de Courtinet sembla signifier « Je l'entends bien ainsi. » Mais au même instant, son regard tomba sur les yeux pleins de larmes de Jenny, puis sur le visage pâle de Georges. La douleur des deux jeunes gens le toucha. Il réfléchit ensuite que cette parole si loyalement rendue, il l'avait donnée en présence des notables de la commune, et que, ne pouvant avouer les véritables motifs d'une rupture, il ouvrirait un vaste champ à des suppositions capable de compromettre jusqu'à la réputation de sa nièce. Cette considération le frappa, et son bon cœur venant à l'appui, il dit avec un soupir « Je ne reviendrai point sur ce que j'ai prononcé, le mariage dans 15 jours. Mais dites-moi, que diable faisiez-vous donc ce matin sur ce terrain là-bas, votre canne en main, occupé à prendre les mesures et à tracer des lignes sur le sol ? Je faisais, mon cher oncle, le rêve que vous venez de réaliser. »